Vous savez combien de pays se remettent sur un temps aussi court du fait qu'on a pratiquement génocidé la population? Et depuis que la France a détruit cette population centrafricaine, depuis la guerre du Congo, voilà, la Centrafrique va de drame en drame, organisée par la France, agissant pour le compte de la communauté internationale autoproclamée, qui aujourd'hui verrouille, bouche, ferme tout pour asphyxier la Centrafrique. Vous voyez la continuité historique? Vous voyez la continuité historique du fait d'abord. Nous démontrons la continuité historique du fait. Je ne parle même pas de l'arrivée du colon français. Personne ne l'a invité, il est venu. C'est emparé de la Centrafrique. Comme c'était d'abord emparé des Africains. Maintenant, ils écrivent des textes pour dire que non, il faut qu'on exagère. L'esclavage blanc n'a pas été aussi dangereux que l'esclavage arabo-musulman. Oui. Et que jusqu'à aujourd'hui, en Mauritanie, les Noirs esclavagisent les Noirs. Afrique Média, le monde, c'est nous.